Récemment, je vous ai annoncé que le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, Justice Centre for Constitutional Freedoms, a déposé des requêtes judiciaires contre les gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique et du Manitoba pour contester les restrictions abusives ainsi que des articles de la loi sur la santé publique dans le cadre de la crise de COVID-19. Le Centre de justice a aussi déposé une action en justice contre le gouvernement de l'Alberta pour contester les ordonnances rendues par le médecin hygiéniste en chef et de certains articles inconstitutionnels de la loi sur la santé publique, pour mettre fin à la violation des libertés de la Charte des Albertains. Or, le Centre de justice nous informe que des dates ont été fixées pour l'audition de deux poursuites urgentes contre le verrouillage en Colombie-Britannique et au Manitoba. Du 1er au 3 mars 2021, le juge en chef Hinkson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver entendra la contestation du Centre de justice contre les ordonnances de santé publique de la Colombie-Britannique limitant les manifestations et interdisant les services religieux. Le Centre de justice représente plus d'une douzaine de personnes et de communautés confessionnelles de la Colombie-Britannique à qui des contraventions totalisent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour l'exercice pacifique de leurs droits et libertés constitutionnelles protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Au Manitoba, à compter du 9 février 2021, les avocats du Centre de justice entameront une audience de deux jours sur une contestation judiciaire de la constitutionnalité de la délégation de pouvoirs étendus et considérables à l'administrateur en chef de la santé publique en vertu de la loi sur la santé publique du Manitoba. L'affaire sera entendue par le juge en chef Joyal. Pendant la pandémie, l'Assemblée législative du Manitoba, composée des représentants démocratiquement élus du peuple, a été écartée au profit de l'autorité autocratique du Dr Roussin. Les ordonnances du Dr Roussin ne sont pas prises en considération, débattues, modifiées, étudiées ou ouvertes à la consultation publique. L'audience complète sur la contestation de la Charte du Manitoba est prévue pour 8 jours à compter du 19 avril 2021. Cette partie du procès conteste les mesures de verrouillage du Manitoba en tant que violations injustifiées des libertés de conscience, de religion, d'expression et de réunion pacifique protégées par la Charte. L'action soutient également que le Manitoba, le Dr Brent Roussin à titre d'administrateur en chef de la santé publique et le Dr Jazz Atwal à titre d'administrateur en chef adjoint de la santé publique par intérim, ont omis de tenir compte des coûts sociaux et de santé indirects liés au verrouillage de la société et soutient que leurs ordonnances ne peuvent être justifiées par l'article 1 de la Charte. L'action en justice du Manitoba a été déposée le 9 décembre 2020. Le centre de justice représente 7 églises, un ministre, un diacre et une personne condamnée à une amende pour avoir exercé ses droits garantis par la charte à manifester pacifiquement et à s'exprimer lors d'un rassemblement à Steinbach, au Manitoba. Les membres des communautés confessionnelles qui intentent la poursuite au Manitoba disent avoir vécu de la tristesse, de la solitude, une crise de conscience et une atteinte à leur bien-être spirituel en raison des interdictions de culte en personne qui persistent depuis la mi-novembre 2020. Le gouvernement du Manitoba permet à de nombreuses personnes de se rassembler dans les magasins à grande surface et en plus petit nombre dans les magasins d'alcool, tandis que les lieux de culte doivent rester fermés. La contestation judiciaire de la Colombie-Britannique a été déposée le 8 janvier 2021 devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et conteste les restrictions sur les services de protestation et de culte du public découlant des ordonnances de santé publique émises par la médecin en chef de la Colombie-Britannique, la Dr Bonnie Henry. Un procès de 3 jours est prévu du 1er au 3 mars 2021 sur la constitutionnalité du verrouillage et la vaste violation des droits constitutionnels des Britanno-Colombiens. Les ordonnances de la Dr Henry interdisent au public d'organiser ou d'assister à des événements, sauf tels que prévus dans les ordonnances. Les citoyens qui se sont rassemblés pour protester pacifiquement contre les effets dévastateurs des verrouillages de la Dr Henry ont reçu une contravention pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique protégé par l'article 2, c, de la Charte. Des billets ont également été délivrés à des églises pour n'avoir prétendument pas recueilli les coordonnées pour assister au culte. Depuis le 19 novembre 2020, les services de culte en personne sont totalement interdits, quelles que soient les mesures de sécurité supplémentaires mises en œuvre par les communautés religieuses. Les communautés confessionnelles de la Colombie-Britannique qui contestent le verrouillage affirment qu'elles ont déployé des efforts extraordinaires pour se conformer aux lignes directrices sur la santé oppressive, notamment en limitant la participation à 50 personnes au maximum, en préinscrivant les participants, en réorganisant les sièges pour assurer la distance physique, en fournissant du désinfectant pour les mains et des masques. Et l'amélioration des procédures de nettoyage et de désinfection. Certains membres de la congrégation ne peuvent pas accéder aux services en ligne, et pour beaucoup dans ces communautés de foi, se rassembler en personne est essentiel à leur bien-être spirituel et émotionnel. Des affidavits ont été déposés pour attester de l'effet négatif de l'interdiction des rassemblements en personne sur les individus, notamment la solitude, la dépression, l'anxiété et la peur. Bien que les groupes de soutien soient autorisés à se réunir, les ordres interdisent aux communautés confessionnelles de se rassembler pour tout culte ou autre service religieux. Le gouvernement de la Colombie-Britannique permet à des centaines de personnes de se rassembler à tout moment dans un seul magasin à grande surface. Les magasins d'alcool et de marijuana restent ouverts. Le gouvernement permet aux résidents de se réunir et de s'asseoir 6 à une table dans des bars et des restaurants. Mais aux églises, l'Adré Henry déclare « N'assistez pas à un service dans une église, une synagogue, une mosquée, un gurdwara, un temple ou d'autres lieux de culte. » La requête conteste les ordonnances au motif qu'elles violent de manière injustifiée les droits et libertés des résidents de la Colombie-Britannique protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. La « liberté de conscience et de religion » et la « liberté de réunion pacifique » sont deux des droits fondamentaux protégés par l'article 2 de la Charte. Le centre de justice a été inondé de centaines de courriels de personnes au Manitoba et en Colombie-Britannique qui sont ruinées financièrement par les verrouillages, qui souffrent de problèmes de santé mentale et de problèmes sociaux et domestiques, qui perdent leur entreprise et leur retraite, et qui reçoivent une contravention de la part d'agents des règlements pour avoir refusé de masque ou pour continuer à se rassembler entre amis et en famille. De nombreuses personnes n'ont pas pu voir leurs parents âgés et encore plus se sont vues refuser des soins de santé critiques pour des conditions autres que le Covid-19. Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles est un organisme de bienfaisance juridique canadien enregistré au niveau fédéral qui, grâce à une représentation juridique, pro bono, cherche à défendre les « libertés fondamentales des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ». En tant qu'intérêt public, cabinet d'avocats non partisans et organisme de bienfaisance enregistré, le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles offre une représentation juridique gratuite, afin de protéger les droits et libertés de tous les Canadiens, qui sont garantis par la Constitution.